Louise Victorine Ackermann, le départ. Il est donc vrai, je garde en quittant la patrie, ô profonde douleur, un cœur indifférent. Pas de regard aimé, pas d'image chérie, dont mon œil au départ se détache en pleurant. Ainsi partent tous ceux que le désespoir sombre, dans quelque monde à part, pousse à se renfermer, qui, voyant l'homme faible et les jours remplis d'ombre, ne se sont pas sentis le courage d'aimer. Pourtant, Dieu m'est témoin, j'aurais voulu sur terre rassembler tout mon cœur autour d'un grand amour, joindre à quelque destin mon destin solitaire, me donner sans regret, sans crainte, sans retour. Aussi, ne croyez pas qu'avec indifférence, je contemple s'éteindre, au plus beau de mes jours, des bonheurs d'ici-bas, la riante espérance. Bien que le cœur soit mort, on en souffre toujours. Paris, 13 septembre 1938. Lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.